Votre sélection débutera après cette publicité. De la randonnée en montagne jusqu'à la croisière en mer, ou bien en descendant les rivières en canot avant de profiter d'un délicieux pique-nique sur la plage, les vacances en Gaspésie, c'est simplement le plus beau terrain de jeu du monde. En attendant de vous y voir, Tourisme Gaspésie vous souhaite bonne écoute. 3, 2, 1. Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, les premiers pas de Jean Drapeau en politique active. Peuple de ma cité, je salue ta victoire, car c'est ta victoire, ce n'est pas la mienne. Tu l'as voulu, tu l'as eu. Dans des circonstances comme celle-ci, vous n'attendez pas de moi, j'espère, un long discours. Le temps des discours doit prendre fin et celui des réalisations commencer le plus tôt possible. Quand il est élu maire de Montréal le 25 octobre 1954, Jean Drapeau n'est pas un novice en politique. Il a déjà été candidat au fédéral et au provincial dans les années 1940, mais c'est son élection à la mairie de Montréal en 1954 qui marque sa vraie naissance politique. En 1957, il est toutefois défait par Sarto Fournier, qui est soutenu par la machine politique de Maurice Duplessis. Et entre 1957 et 1960, année de sa réélection à la mairie de Montréal où il sera en poste pendant plus de 25 ans, Jean Drapeau se cherche donc, un avenir politique. On l'a soulevé, littéralement soulevé au-dessus de cette foule de centaines de personnes qui remplit à craquer les trois quarts de la grande salle de réception de l'Hôtel de Ville. Il agitait son chapeau d'une main, de l'autre, il s'agrippait tant bien que mal à ceux qui le portaient. Et on brandissait un peu partout au-dessus de la foule sa photographie qui est apparue durant la soirée. Et rappelons simplement, avant qu'il n'arrive au microphone, que son élection vient d'être concédée avec 37 442 voix, soit 27 000 de plus que son plus proche adversaire, l'ancien maire Adhémar Reynaud. Je suis heureux d'avoir reçu de la population un mandat aussi unanime, qui vient de toutes les parties de la ville, de toutes les classes de la société, de toutes les origines ethniques, de toutes les croyances religieuses. C'est une confiance absolue. Il ne me reste maintenant qu'à vous prouver que j'en serai digne. À nouveau, Jean Drapeau, le soir de son élection à la mairie de Montréal, le 25 octobre 1954. Et juste avant, c'est René Lévesque que vous entendiez décrire l'arrivée de Jean Drapeau devant ses partisans ce même soir, donc, de son élection, pour nous parler des débuts en politique de Jean Drapeau, de cette période très particulière où vraiment il va chercher sa voie politiquement entre sa défaite de 57 et sa réélection de 1960 à la mairie de Montréal. Je reçois l'historien et professeur à la TELUC, Éric Bédard. Éric Bédard, bonjour. Oui, bonjour. C'est à ce Jean Drapeau, donc, d'avant son élection décisive à la mairie de 1960 qu'on va s'intéresser aujourd'hui. Pourquoi cette période-là, cette période entre sa défaite et sa reprise du pouvoir à Montréal, entre 57 et 60, pourquoi c'est si important? Oui, bien parce que, de notre point de vue à nous, on a l'impression que tous les événements allaient de soi, qu'il y avait une sorte de fatalisme, que les libéraux devaient être élus, etc., les grandes réformes s'enclenchaient. En 1960, on sait maintenant que l'élection de Jean Lesage était loin d'être gagnée un an à l'avance. On a des sondages qui nous le démontrent. Mais quand on regarde plus à fond cette période de 58-59, il y avait une soif de renouveau, de nouveauté. Mais justement, le Parti libéral n'incarnait pas, pour un certain nombre de gens, notamment des nationalistes, n'incarnait pas ce renouveau et cette nouveauté. Et Jean Drapeau, durant l'année 58, est considéré comme une option. Oui. Donc, une option comme relève, comme celui qui va peut-être renouveler la politique au Québec. Il flirte avec un électorat nationaliste, il envisage toutes les options. Autrement dit, peut-être que la Révolution tranquille aurait pu être menée par un personnage comme Jean Drapeau qui avait énormément d'énergie et qui voulait changer le Québec. Tout est possible, au fond. Et c'est, vous êtes attaché, et vous nous en avez déjà parlé, à ce qu'on appelle cette notion de contingence. La contingence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fatalité. Oui. La nécessité en politique et en histoire, c'est quelque chose auquel je suis assez sceptique. Il y a beaucoup de hasards, de coïncidences. Et parfois, lorsqu'on revient sur la trame des événements qui précèdent une date charnière comme celle du 22 juin 1960, élection des libéraux, on s'aperçoit que l'histoire aurait pu s'écrire complètement différemment. Et ce qui est intéressant dans cette période pour Jean Drapeau, entre 1957 et 1960, c'est qu'au fond, il se cherche une voie politique. Tout est possible, vous le disiez. Donc, autant les événements vont le mener au choix qu'il fera, autant si ce choix-là avait été différent, peut-être que l'avenir du Québec aurait été politiquement été aussi différent. En effet. Avant d'aller plus loin, un petit mot sur les origines de Jean Drapeau, ses années de formation, question de savoir un petit peu d'où il vient, comprendre mieux comment s'est construit sa pensée politique. Ça nous amène à ce nationalisme dont vous parlez à l'instant. Alors, c'est Jean Drapeau, il est né, je le rappelle, en 1916. C'est un Montréalais, fils de notable. D'ailleurs, son père a fait de la politique municipale. Et c'est un enfant aussi des années 30. Il prend conscience politique, son éveil politique se fait durant la décennie de la crise des années 30. Et la jeunesse des années 30 cherche absolument à régénérer la vie politique. Alors, il y a des gens qui vont plus vers une régénération spirituelle et militante, mais via, disons, les groupes d'action catholique, voir juger, agir, qui pullulent, qui prolifèrent durant les années 30. Mais vous avez beaucoup de jeunes nationalistes très proches de l'intellectuel le plus important dans le Québec des années 30, qui est Lionel Groulx. Vous avez beaucoup de nationalistes qui rêvent d'une régénération nationale des institutions, mais aussi de l'économie. On prend conscience là, du fait que les Canadiens français sont un peu des porteurs d'eau dans leur propre société. Et donc, il y a une correspondance très tôt. Les deux hommes vont se découvrir. Il y aura une correspondance tout au long de la vie de Drapeau avec Groulx. Les deux hommes se sont connus, se sont fréquentés et à l'inverse, Groulx avait grand espoir, espérait beaucoup en Jean Drapeau, voyant en lui un chef national d'envergure. Et juste une petite anecdote, quelques semaines avant l'ouverture de Terre des Hommes en 1967, durant l'été 67, il y a le maire Drapeau qui arrive avec sa limousine en face de la résidence du vieux chanoine de 89 ans et qui décide de l'amener faire un petit tour guidé privé sur Terre des Hommes pour lui montrer tout ce que le Canada français est capable de faire désormais avec une très grande fierté. Et lorsque le chanoine Groulx va mourir, il sera l'un des porteurs du cercueil. Donc, c'est dire le lien, la filiation entre les deux hommes. Même si, parce que vous parlez de 67, on sait bien au cri du général de Gaulle où va loger à ce moment-là Jean Drapeau, mais le jeune Drapeau est quand même sensible à ses idées nationales. Oui, de régénération nationale, absolument, avec parfois des tonalités un peu xénophobes. Il se fera rabrouer par Henri Bourassa lors d'un discours célèbre en 1942, alors qu'il est candidat dans une élection partielle pour le Bloc populaire, de ce qui allait devenir le Bloc populaire. Il se fera rabrouer un peu par Henri Bourassa avec une tonalité xénophobe. Il était un nationaliste qui croyait dans le rôle de l'État, un État national au service de la politique et de l'économie des Canadiens français. Parler de l'élection, de cette candidature en 42, ça c'est le début de sa vie politique active. Il sera candidat en 42, il sera candidat en 1944. Où le situer à ce moment-là? Il est un jeune étudiant, il vient juste de graduer en droit. Il s'est déjà fait un cercle dans les milieux nationalistes. Et évidemment, c'est le contexte de la Deuxième Guerre mondiale où les Canadiens français ont peur de la conscription. Ouais. C'est le grand thème. Et les libéraux fédéraux s'étaient engagés en 1939 à ce qu'il n'y ait pas de conscription. Or, ils vont un peu tourner leur veste et demander, lors d'un plébiscite célèbre en 1942, ils vont demander au pays, au Canada, de se dégager de cet engagement qu'ils avaient uniquement pris à l'égard des Canadiens français. Alors donc, les Canadiens anglais vont massivement accepter que le gouvernement libéral mette de côté cet engagement et ça sera très houleux et va suivre ce plébiscite, la formation du Bloc populaire. Et donc oui, Jean Drapeau sera étroitement associé à ce parti. Première victoire électorale, donc début de sa vraie naissance politique, c'est donc, on y revient, en 1954, il est élu à la mairie de Montréal, Jean Drapeau. Je remercie la population de l'appui qu'elle a accordé à mon collègue des cinq dernières années. Lorsque je l'ai choisi pour collaborer avec moi à cette œuvre d'assainissement, je savais exactement de quelle trempe M. Drapeau était. Et non seulement je n'ai pas été désappointé, mais à chaque jour au cours de l'enquête, j'ai constaté que de plus en plus, M. Drapeau avait toutes les qualités d'un chef, un dynamisme extraordinaire et une probité non moins extraordinaire. Je vous remercie, mesdames et messieurs, de l'appui que vous nous avez donné. Merci. C'est Pacifique Plante qu'on vient d'entendre réagir à la victoire de Jean Drapeau à la mairie de Montréal le 25 octobre 1954. Il faut dire, Éric Bédard, que c'est vraiment comme procureur à la Commission Caron, tout juste aux côtés de Pax Plante, justement, que Jean Drapeau va se faire connaître du grand public. C'est aussi cette participation à cette Commission Caron qui va lui servir de tremplin vers son entrée en politique active. Quelle importance de fait a pour lui ce rôle qu'il tient à cette Commission Caron dans sa décision de se présenter à la mairie de Montréal? Alors, durant les années 40, début des années 50, Montréal a une réputation de ville ouverte, oui, de ville de plaisir. On compare Montréal à Paris, mais pour l'Amérique du Nord, de Sin City, avait même titré un magazine américain. Alors, c'est normal, puisque le Québec était l'un des seuls endroits pendant longtemps où il n'y avait pas de prohibition de l'alcool, mais aussi où il y avait une relative tolérance des autorités policières à l'égard du jeu illicite et de la prostitution. Et donc, comme l'explique bien un jeune historien, Mathieu Lapointe, dans un livre important, il a montré qu'il y avait toute une classe moyenne canadienne-française qui souhaitait une régénération de la vie politique, de la vie publique, qui va s'investir dans un groupe qui s'appelle la Ligue d'action civique, donc une ligue de citoyens qui souhaitaient une purification des mœurs. Et il y avait évidemment, on soupçonnait qu'il y avait beaucoup de corruption. D'ailleurs, Pax Plante avait aiguillonné les journalistes du Devoir sur la corruption qui régnait à la police de Montréal. Et donc, face à la pression de l'opinion publique, on va nommer un juge, François Caron, pour faire enquête sur toute cette corruption des corps policiers. Donc, l'enquête va être longue, 1950 à 1953, et le procureur en chef de cette enquête est nul autre que l'avocat, le jeune avocat très, très dynamique et très volontariste, Jean Drapeau. Il y aura énormément d'officiers de la police qui vont défiler. 375 témoins vont s'exprimer durant 325 séances. C'est très, très important. Il y aura aussi des membres du comité exécutif qui seront interrogés, pointés du doigt. Alors, un peu comme malheureusement peut-être la commission Gomery et certaines commissions qu'on a mieux connues dans les dernières années, ce serait plus un exercice pédagogique. On comprendra comment le système fonctionnait, mais il n'y aura peut-être pas énormément de gens qui seront inculpés. Chose certaine, une fois que Jean Drapeau prend le pouvoir, puisque là, vous avez raison, c'est un tremplin, ça le fait énormément connaître, il est partout, il voit... Qu'est-ce qui lui donne l'idée de se présenter, en fait? Ben, exactement, il est vu comme monsieur net, monsieur intégrité en personne, un homme extrêmement rigoureux, un homme qui travaille sans relâche à pourchasser les criminels et les gens, les politiciens et les policiers qui sont corrompus. Donc, il a une image, évidemment, une aura. Et donc, il se présente et voilà, il est sollicité. Et son groupe citoyen, la Ligue d'action civique, devient un parti politique par le fait même. Et il est donc porté au pouvoir. Et c'est intéressant d'entendre Pax Plante qui parle de nous comme si c'était, il en faisait partie. Parce que c'est sûr que Pax Plante a joué un rôle fondamental dans cet éveil de la conscience montréalaise face à la corruption. Et il en fera partie de l'équipe de Drapeau, parce que c'est le nouveau Drapeau, quand il est élu en 54, va faire de Pax Plante son chef de police. Et ce mandat, donc premier, seul mandat, il va être défait en 57, c'est d'abord, puis si on l'entend dans les discours à l'époque, c'est d'abord, il y a ce renouveau dont vous parliez, cet appétit pour un renouveau, mais pour Drapeau, clairement, puis c'est la suite de la commission Caron, la première étape menant à ce renouveau, c'est c'est le nettoyage. Donc, ça va être le ça. Le nettoyage, il est évidemment de mèche avec l'évêque, le cardinal Paul-Émile Léger, qui avait introduit le chapelet en famille, oui. Qui pourchassait ce qu'on appelait la presse jaune, et donc va fermer aussi un certain nombre de maisons closes. Il va nommer d'ailleurs Pax Plante chef de police, donc son allié. Alors, évidemment, ça va faire, ça va beaucoup brasser, ça va mettre. On va voir ce mandat-là comme un mandat de changement. En même temps, il n'a pas tout à fait les coups des franges, puisqu'il ne contrôle pas le conseil municipal. Donc, ouais. Il est élu comme maire, mais les élus municipaux, parce que c'est une ancienne charte de Montréal, un peu paternaliste, hein, c'est des relents de la tutelle des années 40. La ville de Montréal, il y a un certain nombre de conseillers qui sont nommés par des syndicats, par le patronat, mais donc, il n'a pas le contrôle du conseil municipal, et donc, c'est pas évident pour lui de gouverner comme il l'aurait souhaité et comme il le fera plus tard d'une main de maître. Et ça ne durera... De main ferme, surtout. Ça ne durera que 3 ans, donc oui. Il sera défait en 57. Il faut dire que en 57, l'équipe de Maurice Duplessis, la machine de l'Union nationale, va contribuer à la défaite de Jean Drapeau. Expliquez-nous un peu de quoi est faite cette relation difficile, oui. On va se le dire, entre Jean Drapeau et Maurice Duplessis. Il aurait pu avoir... Drapeau, apôtre de la moralité, il aurait pu avoir une rencontre, ben oui, mais pas du tout. Avec la distance, on pourrait dire, mais voyons pourquoi ces deux hommes-là ont été en guerre alors que tout pouvait les unir. C'était deux hommes nationalistes, deux hommes plutôt conservateurs, deux hommes qui étaient dans la ligne de la loi et de l'ordre, ouais. C'est le moins qu'on puisse dire, assez autoritaire. Et pourtant, il y avait quelque chose, il y avait un clash. On peut dire, bon, c'est un clash de personnalité, deux coqs, bon, mais ça ne me satisfait pas comme explication. Il y a d'autres explications. Je vous donne des exemples. Première explication, c'est que Maurice Duplessis, au fond, c'est un vieux bleu. C'est quelqu'un qui a toujours fonctionné dans le cadre du bipartisme traditionnel des rouges, des bleus. Il était le fils d'un politicien conservateur de Trois-Rivières, qui avait été nommé un peu par le biais du patronage. Lui, là, ça lui convenait parfaitement, cette configuration des bleus, des rouges. Alors que Jean Drapeau appartient à une génération qui voulait régénérer la vie politique, qui rêvait d'un grand parti de rassemblement, un parti national, oui. Un peu dans la ligne d'Honoré Mercier. Et donc, ce bipartisme était perçu d'ailleurs par un Lionel Groulx comme ce qui avait déchiré, divisé, ce qui avait entraîné, ce qui avait appauvri la vie politique. Il l'avait emmené dans une forme de patronage et d'affairisme. Et donc, il y avait cette différence-là. Il y avait aussi une différence dans la foi, dans l'État. Au fond, Maurice Duplessis, c'est un bon vieux libéral classique, c'est-à-dire que les gens font parfois le bien, font parfois le mal, et l'État ne peut pas grand-chose contre ça. Ouais. Libéral dans le sens philosophique. Dans le sens philosophique, merci ouais. de bien le préciser, au sens philosophique, c'est-à-dire les individus sont face à des choix moraux, ouais. Des fois ils font le bien, des fois ils font mal, l'Église est là pour les ouais. guider, mais sans plus. Alors que Jean Drapeau, lui, croyait que l'État pouvait vraiment régénérer les individus, purifier la vie morale et politique. Il y avait une foi dans l'État. Et enfin, il y avait une forme de conception. Donc, vous voyez qu'à travers ça, il y avait une conception du pouvoir et de la politique, même si les deux hommes étaient plutôt autoritaires. Mais l'un croyait beaucoup à l'action salvatrice de l'État. L'autre, en fait, s'en remettait plus à l'Église et aux lois du marché et gérait les vraies affaires. Exact. C'était Maurice Duplessis. Et cette fracture, ça va conduire au fait qu'effectivement, Duplessis va mettre sa machine au service de Sarto Fournier, qui va prendre le pouvoir en 57. C'est donc une défaite importante et cuisante pour Jean Drapeau, une défaite qui fait mal. Et là, on entre dans cette période de balancement où il cherche un avenir politique où tout est possible, tout est en mouvance. Jean Lesage n'est pas encore chez les libéraux à Québec. Drapeau ne sait pas encore ce qu'il va faire. Tout le monde attend, parce que c'est une personnalité importante, même s'il vient de subir une défaite, tout le monde attend de voir le signal que va envoyer Jean Drapeau. Et ce signal-là, il va venir beaucoup le 22 janvier 1958. Le temps de cette émission a été retenu et payé par la Ligue d'Action Civique. Vous aurez maintenant l'opportunité d'entendre en direct la conférence de Maître Jean Drapeau, conférence qu'il a intitulée « Lâcher ou tenir » et qu'il prononce devant un auditoire de 3000 personnes réunies depuis quelques 30 minutes dans l'enceinte du Théâtre Saint-Denis. On sait que cette conférence a soulevé un immense intérêt dans tous les milieux, au point que la Ligue d'Action Civique a dû se rendre au désir de plusieurs milliers de personnes et faire radiodiffuser la conférence sur les ondes de CKAC. Dès 9h moins quart, après l'hymne national, le Dr Rubin Lévesque, président de la Ligue, souhaitait la bienvenue à l'auditoire enthousiaste. Ensuite, M. Jean-Marc Léger, journaliste, présenta le conférencier, Maître Jean Drapeau, que vous entendrez maintenant. Aussi, comme vous l'avez constaté, la campagne qu'on nous a faite, l'une des plus odieuses d'ailleurs, dont Montréal n'a jamais été le théâtre, s'est-elle développée essentiellement sur deux plans. D'une part, l'injure et la calomnie avec leur cortège d'inventions grossières. De l'autre, l'interprétation mensongère d'un certain nombre de gestes que nous avions cru devoir poser dans l'intérêt d'une saine administration de la municipalité. Ces deux catégories d'arguments, si l'on peut ici parler d'arguments, ont été exploitées à fond grâce à l'utilisation de ressources financières massives dont je vous laisse deviner la provenance. Ce discours du 22 janvier 1958, Éric Bédard, diffusé à CKAC, il est considéré comme un discours très important pour Jean Drapeau, mais plus que ça, pour, dans l'histoire politique contemporaine du Québec. Pourquoi? Alors, c'est un discours qu'il prononce au Théâtre Saint-Denis. Il demande $1 à l'entrée, donc c'est un homme qui veut rentabiliser la salle qu'il a louée. Et il crée une sorte d'attente. Hein? Il a le sens du spectacle. Il y a des rumeurs qui courent sur le destin politique de Jean Drapeau. Il laisse planer les rumeurs. Il ne dit rien. Et là, évidemment, il dit qu'il va tout... il va s'expliquer lors de cette fameuse soirée. La salle est pleine à craquer. Il y a beaucoup d'attentes. Alors, vous avez vu que dans son discours, il dénonce la corruption de l'élection de 1957. Enfin, lui, il était convaincu qu'on lui avait volé son élection. Et donc, il pointait du doigt la machine de l'Union nationale. Vraiment, très rapidement, pourquoi il y avait eu ce clash, c'est que le gouvernement de l'Union nationale voulait développer ce fameux plan d'Ozois, ce plan immobilier tout près là, de l'UQAM, qui existe toujours d'ailleurs. Logement à prix modique. Exactement, le logement à prix modique, alors que Jean Drapeau voulait développer une cité des ondes, une cité électronique. Bon, il y avait d'autres projets pour ce coin de la ville de Montréal, et donc ça avait achoppé autour de ça. Donc, il était convaincu de s'être fait voler l'élection, et il décide à ce moment-là de sonder ses chances. Il veut voir s'il y a de la place pour un homme comme lui, un mouvement comme le sien, le mouvement de l'action civique, mais à l'échelle du Québec. Avec des idées progressistes qui ressemblent pas mal à ce que Le Sage va proposer en 60. Bon, alors, des idées, en effet, très nationalistes. Il veut redéfinir l'État du Québec. Il dénonce le nationalisme, en fait, l'autonomisme défensif de l'Union nationale. Il veut que l'État du Québec se développe dans tous les secteurs, beaucoup plus que ce qui s'était fait avant, dans le domaine de l'enseignement, de la recherche, des législations sociales, même des ressources naturelles, c'était dans l'air depuis les années 30. Il a aussi tout un volet sur la question économique qui est absolument primordiale à ses yeux. Il constate, comme tout le monde à peu près à l'époque, que les Canadiens français sont dans une situation, et je le cite, d'aliénation. Il faut dire qu'il est aidé dans le développement de ses idées, notamment par Jean-Marc Léger qui est cité, qui était donc par, disons, les intellectuels du devoir qui se considèrent comme des nationalistes ou aussi, mais un néo-nationalisme qui conteste la vision Duplessis. Alors, il est en effet assez avant-gardiste, il va assez loin dans ses propositions et ça annonce en effet plusieurs des grandes réformes qu'on va connaître durant les années 60. Et pourtant, il n'ira pas à Québec sur cette arène provinciale. Il va revenir en 1960 à l'échelle municipale en remportant la mairie de Montréal. Pourquoi? Le coup de barre, ce serait l'élection partielle au Saguenay le 16 septembre 1959. Présente un candidat et malheureusement pour lui, c'est le candidat de l'Union nationale qui remporte une éclatante victoire, 8400 votes, alors que le candidat de l'Action civique, donc de Jean Drapeau, 3300 votes. Et donc pour lui, c'est un signe que probablement que le fruit n'est pas mûr avec tout ce build-up, excusez le mot, mais tous ces discours, visiblement, la population n'est pas là au rendez-vous. Donc, il se rabat, entre guillemets, sur Montréal. C'est déjà pas rien être maire de Montréal et ça va durer 26 ans. Exactement. Merci beaucoup, Éric Bédard, historien et professeur à la TELUC, ami de l'émission. Merci. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.